Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. En couleur, en concert. Sur RQC. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM avec vous, jusque 10h30, Scream pour l'émission Backstage. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Il reste encore un réveillon à faire et passer le cap de 2017 qui, je l'espère, sera mieux que 2016. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé dans Backstage de ne pas vous parler d'un album bien spécifique. Et ce sera le cas aussi la semaine prochaine dans Backstage, car nous avons deux grands artistes qui nous ont quittés. Tout d'abord Rick Parfitt, guitariste cofondateur du groupe Status Quo, qui nous a quittés la veille de Noël, et George Michael qui nous a quittés lui le 25 décembre. Donc aujourd'hui nous allons consacrer une heure de Backstage au groupe Status Quo, où je vais vous parler un petit peu de Status Quo, donc le groupe, la genèse du groupe, et surtout de Rick Parfitt, qui était le guitariste. Si vous voyez pas qui c'est Rick Parfitt, et ben tout simplement c'était le blond, c'était pas celui avec la queue de cheval, qui était guitariste aussi, hein, celui avec la queue de cheval comme vous dites, ben, c'est tout simplement Francis Rossi, qui était chanteur aussi, parce que Rick Parfitt chantait aussi. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord s'écouter un titre de Status Quo. On va se jouer des titres moins connus pour d'autres plus connus, parce que bon, tout le monde connaît le fameux Hear Me Now, mais on le passera, mais pas tout de suite. On va d'abord s'écouter Caroline de Status Quo, et on se retrouve tout de suite après pour commencer et rentrer dans le vif du sujet. Backstage, les coulisses du son. We'll be right back. Voilà, donc c'était Statu Quo avec Caroline sans voix lourd hein, de directement ce matin. Alors Statu Quo est un groupe de boogie hard rock britannique pardon, créé en 1962 à Londres en Angleterre. Le groupe s'appelait à l'origine The Spectre, fondé par les lycéens Francis Rossi et Alan Lancaster en 1962. Après un certain nombre de changements de nom, le groupe est devenu Statu Quo à la fin de l'année 1967 avant d'adopter définitivement le nom Statu Quo en 1969. Donc au début c'était The Statu Quo et puis après c'était Statu Quo. Ils ont enregistré plus de 60 tubes classés dans les charts du Royaume-Uni, plus que tout autre groupe de rock. D'entre eux, 22 ont atteint le top au Royaume-Uni, top 10. Alors, dans les années 1960, le groupe a créé en 1962 dans la banlieue du sud de Londres par trois lycéens, Francis Rossi, Alan Lancaster et Alan Kay. John Coughlan les rejoint rapidement à la batterie et Jess Jaworski au clavier. Le premier nom donné de la formation était The Paladin, vite remplacé par The Spectre en 1970. Il publie le single Hurdy Gurdy Man dans un style assez psychédélique, typique de cette époque. Après avoir fait la première partie des Hollies au Orpington Civil Hall en janvier 1965, les jeunes londoniens décrochent un contrat d'été de 4 mois au camp de vacances le Bultins. Ils décident alors de devenir professionnels, provoquant ainsi le départ de Jess Jaworski, remplacé par Roy Lynne. Là ils font la connaissance du guitariste Richard Parfitt, alias Rick Parfitt, lequel les rejoindra le groupe 2 ans plus tard. La formation, après avoir signé en 1966 son premier contrat discographique avec le label Pye Records et le producteur John Schroeders, décroche son premier tube avec le single psychédélique Picture of Matchsticks Men, numéro 7 au Royaume-Uni, bientôt suivi du single Eyes in the Sun, numéro 8 au Royaume-Uni. Ce sont les deux seuls singles qui rencontreront un succès outre-Atlantique, pardon, numéro 12 pour Picture of the Mystic Man et en septembre pour Eyes in the Sun. L'année 1969 est une année catastrophique pour le groupe qui n'obtient qu'un seul tube mineur avec Are You Growing Tired of My Love, numéro 46 en mai. Abandonné par sa maison de disques, Statu Quo décide de changer de style. On passera dans les années 1970-1970 après le titre Rain de Statu Quo. Vous écoutez Backstage. Say Et oui, ça envoie du lourd à statu quo quand même, hein. Je peux vous le dire car j'ai eu l'occasion de les voir en concert et je peux vous dire que ça déménage très fort. Alors dans les années 1970, statu quo produit un boogie rock hard, on peut dire ça comme ça, bien plus énergique, peu enclin à ce genre de musique. Roy Lane abandonne la formation en septembre 1970. Les albums Michael's Greasy Spoons et Dogs of Towhead, sortis respectivement en août 1970 et en novembre 1971, témoigne de cette transition. Même si le succès discographique reste mitigé, le groupe acquiert par ses incessantes tournées une certaine réputation en Grande-Bretagne. Mais c'est surtout en 1972 qu'en est le co, comme l'appelleront dorénavant les fans. Le festival de Lincoln et surtout de Reading en mois d'août confirme la tendance, la formation y fait un véritable triomphe. Aussitôt, un nouveau contrat discographique avec le label Vertigo est signé. La première production issue de cette union est le single Paper Plane, numéro 8 au Royaume-Uni, qui sert de locomotive à l'album Pelly Drive, qui sort le 15 décembre 1972. Les critiques considèrent cet album comme le premier vrai statu quo. L'album restera dans les charts anglais jusqu'en novembre 1973. L'agenda du groupe est dorénavant plein. Ben c'est bien, hein. Alors, la formation tourne partout dans le monde et donne son premier concert français le 28 octobre à l'Olympia de Paris. L'album Hello sort le 28 septembre 1973, précède de peu par le single Caroline qu'on a écouté en entrée d'émission, contenu dans l'album. L'album est immédiatement numéro 1 au Royaume-Uni et connaît un grand succès en France. Il devient rapidement l'album de référence du groupe dont la plupart des titres sont des morceaux d'anthologie. Co sert l'année suivante. En janvier 1975, Down sera leur seul numéro 1 outre-Manche. On the Level en 1975, Blue for You en 1976, plus 1, plus 9, plus 8, plus 2 en 1982 seront classés numéro 1. Au classement des meilleures ventes d'albums au Royaume-Uni, le groupe, alors composé de Francis Rossi guitare et chant, Eric Parfitt guitare rythmique et chant, Alan Lancaster basse et chant et John Cogan à la batterie, tourne sans cesse aux quatre coins de l'Europe devant une audience de plus en plus importante. Malgré 6 tournées effectuées de 1973 à 1976, le groupe reste complètement ignoré aux États-Unis. Statu quo effectue un second passage à l'Olympia en janvier 1975 dans le cadre des Musicoramas du samedi après-midi. En fin de la première tournée organisée par Christian Brunet en association avec Ludo De Bruins, puis au Palais des Sports de Paris le 2 juin 1975 avec plus de 6000 personnes. En octobre 1976, le groupe enregistre à l'Apollo de Glasgow son album live intitulé simplement Live. Il devient disque d'or dans 10 pays dont la France et l'Allemagne, plus de 500 000 exemplaires écoulés. À partir de 1977, soucieux de séduire le marché américain, le groupe londonien s'octroie les services d'un producteur, Pip Williams, la reprise de John Fogerty, Rockin' Over the World, se vend à plus de 700 000 exemplaires en Grande-Bretagne, alors que l'album du même nom est à nouveau disque d'or un peu partout en Europe. En juillet et en août 1978, Statu quo donne 20 et une représentation en Australie devant plus de 90 000 personnes l'année suivante. Whatever You Want, l'album est à nouveau un solide succès numéro 4 en Allemagne, en Angleterre. Il contient le titre éponyme Whatever You Want qui, numéro 3 en Angleterre, connaît un succès planétaire. Cependant, l'entente au sein du groupe se dégrade, la drogue et l'alcool les aident. Rockle All Over the World, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite maintenant et on se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. Rocking All Over the World, c'était statu quo. Donc, alors, dans les années 1980, est marqué par l'absence de concerts, le groupe a décidé de ne pas tourner pour plusieurs raisons, mais surtout parce que Rick Parfitt vit un véritable drame familial avec la perte de sa fille Heidi, qui meurt noyée dans sa piscine privée au mois d'août. À la fin de l'année, le single What You Are Proposing cartonne partout en Europe, numéro 2 en Angleterre, avec 700 000 copies vendues. L'album Jet Supposing est un bon succès, suivi de 6 mois plus tard par la sortie de l'album Never Too Late au mois de mars 1981. Mais les tensions s'accentuent au sein de la formation au mois de novembre 1981, alors que le groupe est présent en Suisse pour y enregistrer l'album du 20e anniversaire. John Coughlan craque et quitte le studio en colère. C'est Pete Kischer qui le remplace au pied levé. Andy Bow, qui joue du clavier sur scène avec le groupe depuis 1976, est déclaré membre officiel. L'album 1 plus 9 plus 8 plus 2 est numéro 1 des charts anglais. L'enregistrement de l'album Back to the Back Et en 1983 est pénible pour tout le monde et le titre Margarita Time provoque la plus violente désaccord entre Rossi et Lancaster, ce dernier allant jusqu'à refuser de participer à la promotion de ce titre. L'année suivante, Status Quo annonce une tournée End of the Road qui doit être la dernière. Les membres étant arrivés au point de non-retour, le dernier concert de cette tournée a lieu au célèbre Milton Keynes devant 48 000 personnes. En 1985, le groupe donne 3 concerts dans 3 pays différents, le Danemark, l'Angleterre et la Suisse. En moins de 24 heures, sur insistance de Bob Geldof, son instigateur, Status Quo accepte de faire l'ouverture du Live Aid au Rock'n'Roll. Avec Rockin' All Over the World, c'est la dernière apparition scénique de Lancaster. L'année suivante, il quitte le groupe non sans avoir préalablement attaqué Francis Rossi et Rick Parfitt en justice pour l'utilisation frauduleuse du nom. Il perdra et partira définitivement en Australie où il jouera avec The Party Boy, puis The Lancaster Bomber. Il sera remplacé par John Rhino Edward, alors que John Rich prendra la place derrière la batterie. Une reprise des frères Boland, The Army Now, est en 1986 et 1987, numéro 1 dans la plupart des pays européens, 750 000 exemplaires vendus en France. C'est d'ailleurs le seul titre du groupe qui passe encore régulièrement sur les radios françaises, y compris sur RTL2 avec Whatever You Want en 1979. En 1988, le single Burning Bridge, numéro 5 en Angleterre, alors que le groupe donne 14 concerts à Moscou, 14 concerts à Moscou devant près de 300 000 personnes, malgré un succès scénique jamais démenti. Force de constater que le boogie endiablé qui avait propulsé et popularisé Status Quo au début des années 1970 est maintenant bien éloigné. La bande Rossi plonge dans une variété bien pâle, comme le témoigne l'album Perfect Remedy, produit en 1989. On va s'écouter Whatever You Want, justement, de Status Quo. Vous écoutez Backstage. Thank you. Voilà, donc c'est la titre « Whatever You Want » de Statu Quo. Alors, les années 90, 2000 et 2010, bon, au début des années 91, la compilation « Rocking Over the Year » atteint le chiffre d'un million vendu. Le 21 septembre 1991, Statu Quo effectue So Rock Till You Drop Tour. Le groupe donne 4 concerts majeurs en moins de 12 heures dans 4 endroits différents, qui sont l'International Center de Sheffield, de Glasgow, à Birmingham et enfin l'Arena de Wembley. À l'issue du dernier concert, Norris Whitster, président de Guinness Book des Records, monte sur scène pour officialiser l'entrée du groupe dans son livre. Peu de temps après, l'album Rock Till You Drop se classe à la 10e place des charts britanniques. Les années 1990 sont véritablement placées sous le signe des tournées et de participation à des festivals d'été. En 1995, pour fêter les 30 ans de la rencontre entre Rossi et Parfit, ils éditent Don't Stop, un album de reprise. Il se vend à 300 000 exemplaires en Grande-Bretagne et est certifié disque de platine. L'année suivante, Rick Parfit doit subir un quadruple pontage coronarien. Ça, c'est mon téléphone. 2 ans plus tard, l'album Under the Influence se vend plus boogie, premières heures, tendance confirmée par l'album Heavy Traffic, produit en 2002. Entre-temps, en 2000, Jeff Rich quitte la formation qui recrute Matthew Letlouet. 2 autres albums ont tendance plus pop, The Party Ain't Over Yet et In Search of Food's Chord voit encore le jour, avant que le groupe ne donne 2 tournées françaises en octobre 2007 et en novembre 2008. Auparavant, le 22 octobre 2006, le groupe s'est produit à l'Olympia de Paris pour un concert mémorable. En septembre 2008, ils sortent une reprise Whatever You Want en version techno, jump style, avec le groupe allemand Scooter. Le titre se nomme Jump Dak Rack et apparaissent également dans le clip vidéo. En 2009, la mélodie du tube The Army Now est adaptée par Les Enfoirés sur le titre Ici Les Enfoirés, avec des paroles en français sans rapport avec celles de la version originale au bénéfice de l'association Les Restos du Cœur. Le groupe revient au festival de Montreux. Le 29e album studio Quiproquo sort le 30 mai 2011, du 15 au 17 juillet 2011, Statu Quo est en concert à Morzine lors de l'exposition des Harley Davidson Morzine Harley Day. Début 2012, après 30 ans de séparation émaillée de procès et de disputes, le groupe se retrouve enfin dans sa formation originelle avec le retour d'Alan Lancaster et John Colgan pour le tournage d'un documentaire intitulé « Hello Co. » paru en automne 2012. Une série de concerts avec ce line-up a lieu en mars 2013 en Grande-Bretagne. Fin 2012, Matt Litley, batteur depuis 2000, annonce qu'il quitte le groupe à l'issue d'un concert co-festive du 21 décembre 2012 à l'O2 Arena de Londres. Il est remplacé depuis le 25 mai 2013 par Leon Kev. Nouvel album en 2013, Boulaco, servant de bande originale du film du même nom tourné aux îles Fidji. En août 2014, l'état de santé de Rick Parfit oblige le groupe à annuler une partie de sa tournée européenne. Rick est rapatrié en Angleterre et est hospitalisé pour une opération cardiaque et la pose d'un stent sur un cœur déjà opéré en 1997, d'un quadruple pontage comme je le disais tout à l'heure. Quelques jours plus tard, il retournera sur scène en pleine forme. Le 17 octobre 2014, sortie du nouvel album Acoustique, l'album reprenant le plus grand hit du groupe en version acoustique. Quelques jours plus tard, un concert exceptionnel en acoustique est donné à Londres, au Roadhouse. Ce concert est retransmis en direct sur la BBC Radio 2. Suite à une nouvelle et grave attaque cardiaque lors d'un concert en Turquie le 15 juin 2016, les médecins ont ordonné à Rick Parfitt l'arrêt au moins jusqu'en fin 2016 de sa participation au concert de Statu Quo. La tournée de 2016, The Light Night of the Electric, sera la dernière du groupe. À l'avenir, des concerts acoustiques sont envisagés. Le 28 octobre 2016, Rick Parfitt est remplacé à la guitare par l'Irlandais Richie Malone. Rick Parfitt meurt le 24 décembre 2016 dans un hôpital de Marbella, dans le sud de l'Espagne, à la suite d'une complication liée à une blessure à l'épaule. Voilà, je vais juste vous dire quelques hommages avant de passer musicalement. Par exemple, voilà, lors d'un concert du Live 8 en 2005 à Londres, le chanteur du groupe Coldplay, Chris Martin, rend hommage au groupe qui n'était pas invité au concert en chantant le refrain de Rock All Over the World en plein milieu de la chanson In My Place. Voilà, par exemple, dans The Co In Tone Tonight, une chanson extraite de son album Chanson pour les pieds de 2001, Jean-Jacques Goldman rend hommage appuyé à Francis Rossi et à Rick Parfitt en citant Rossi, ses mots, ses solos et Parfitt à sa Caster. Voilà, après je vais vous parler un petit peu de Rick Parfitt, sa carrière et puis quelques éléments que vous voulez savoir. En attendant, on va s'écouter un autre titre de Statu Quo, Bye Bye Johnny de Statu Quo. En couleur, en concert, sur RQC. Yeah. you look real good tonight. Okay, time to go. One more on your own without a band. This is yours. Go! La façon à statu quo de rendre hommage à Chuck Berry avec Bye Bye Johnny. Vous avez entendu, là, c'est Johnny B. Good, hein, mais c'est version statu quo. Alors, Richard John Parfitt, donc alias Rick Parfitt, né le 12 octobre 1948 à Woking's, Surrey, en Angleterre, donc, est mort, lui, le 24 décembre à Marbella, en Andalousie, en Espagne. Alors, un petit peu pour sa carrière, hein. En 1965, Rick Parfitt joue avec son groupe The Height Light au camp de vacances d'été Bulletin à Minhead. C'est là qu'il rencontre Francis Rossi qui joue avec son propre groupe The Spectre. Les deux musiciens deviennent amis et décident de travailler ensemble à l'avenir. En 1967, alors que The Spectre, après avoir changé leur nom en Traffic Jam puis en Status Quo, vont d'échec en échec, Rick Parfitt, qui vient de quitter son groupe, reçoit un coup de fil de Pat Berlow, le manager, pour rejoindre Statu Quo et participe à l'enregistrement de Picture of Matchstick Men, et il deviendra désormais le guitariste rythmique, chanteur et compositeur du groupe. Depuis, Rick Parfitt a enregistré avec Statu Quo près de 30 albums studio, a fait plusieurs fois le tour du monde lors des tournées. Il reste avec Francis Rossi le seul membre du groupe à avoir participé à tous les albums. En 1991, son double en cire ainsi que celui de Francis Rossi furent réalisés pour le musée de cire de Madame Tussaud de Londres. En 2006, Rick Parfitt lança avec son partenaire Mike Arnott un procédé pour transformer l'aspect des guitares appelé guitare facelift, The Original. Le 15 septembre 2016, il annonce qu'il quitte définitivement le groupe, victime d'une nouvelle attaque cardiaque après un concert en Turquie au mois de juin de la même année. Le groupe finira malgré toutes les tournées qu'ils ont annoncées comme étant la dernière tournée électrique. Donc, comme vous le savez, Rick Parfitt, lui, est mort à l'hôpital de Marbella du sud de l'Espagne à la suite d'une complication liée à une blessure à l'épaule. Je vous parlerai de sa vie privée, de son équipement et de sa distinction tout de suite après un titre qu'on va s'écouter. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est What You're Proposing, donc de Status Quo. Et on se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. Twice. What You're Proposing, c'était les Status Quo. Et aussi au backstage aujourd'hui, on rend hommage à monsieur Rick Parfitt qui nous a quittés, donc, comme je vous ai dit, le 24 décembre. Alors, l'équipement que Rick Parfitt utilisait sur scène et en studio, bah, il joue essentiellement sur une Fender Telecaster blanche de 1965, mais il en possédait plusieurs, bien entendu, entre d'autres couleurs différentes. Il joue aussi sur une Gibson SG, une Ziematis de 1981, une Viper Ovation qu'il utilise plus jeune pour des morceaux en Open G, une Fender Esquire et une Chet Atkins pour les parties acoustiques. Pour l'amplification, il utilise des amplis Marshall GCM 800 et GCM 900 combinés avec un ampli Vox AC30. Pour les effets, il utilise un processeur Roland GP8. Ça, c'était pour l'équipement que Rick Parfitt utilisait. Alors, la vie privée de Rick Parfitt, tout simplement, il était marié trois fois. Il a été marié trois fois. Une fois avec Marietta, qui lui a donné un fils Richard, né en 1978. Puis avec Patty, qui lui a donné un deuxième fils Harry, né en 1989. Et enfin, depuis août 2006, il était marié à Lindsay, qui lui a donné, le 26 mai 2008, les jumeaux Tony Oswald et Lily Rose. Et comme vous le savez, donc, il a dû subir un pontage en 1997 coronarien, d'un quadruple pontage coronarien. On va s'écouter The Army Now, puis je reviendrai tout de suite juste pour le mot de la fin de statut qu'on va s'écouter, donc The Army Now. Vous écoutez Backstage. Does the best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. Now, On l'a tous chanté cette chanson aussi, In the Army Now, de Status Quo. Donc c'est l'émission Backstage spéciale, donc on rend hommage à Rick Parfitt qui nous a quitté le 24 décembre, qui était le guitariste cofondateur de Status Quo. Alors, distinction, en 2010, Rick Parfitt est nommé officier de l'ordre de l'Empire britannique par le service rendu à la musique et aux œuvres de charité. Il obtient donc une distinction en 2010. Ben voilà, nous, l'émission Backstage de cette année 2016 touche à sa fin. On va se quitter avec un dernier titre de Status Quo. Moi, je vous fixe rendez-vous mercredi prochain. Le backstage est déjà programmé, malheureusement. C'est pas comme ça que j'aimerais bien les faire. Hein. Mais on rendra hommage à un autre grand monsieur qui nous a quittés, lui, le Vatsack, qui était George Michael, et qui est toujours George Michael, et qui restera toujours un grand artiste. Donc, le backstage est déjà fixé. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous donc, ce mercredi prochain. Si vous sortez pour les fêtes, soyez prudents pour le nouvel an. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année. Et j'espère que la 2017 sera meilleure pour tout le monde et pour tout un chacun. En attendant, c'était l'hommage à Rick Parfitt. J'espère que là-dessus, il s'éclate avec tous ses potos. Freddie Mercury, Mark Boland... Lenny et tout ça. Voilà, ils doivent bien s'amuser là-dessus s'il y a quelque chose. Bien entendu. Allez, on se quitte avec donc Status Quo avec Roll Over Beethoven. Ça va un peu déménager pour se quitter, les amis. Ciao, ciao, à la semaine prochaine et surtout, passez de bonnes fêtes de Nouvel An. Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. En couleur, en concert, sur RQC.